l'OGM prolaté. Tiens, voilà Eric qui réplique. Faudrait qu'il aille téléphoner. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet, c'est la Saint Notre-Dame du Mont-Carmel et à cette occasion nous souhaitons une bonne fête au Carmen. Ça vient du latin Carminium qui signifie rouge vif. Les Carmens sont réputés pour leur forte personnalité et leur obstination. Femmes de principe, elles aspirent le respect de leur entourage grâce à leurs convictions et sont soucieuses de certaines règles de conduite. De nature conviviale et accueillante, les Carmens peuvent parfois se montrer discrètes et réservées. Elles sont aussi douées d'une certaine humilité, renforçant davantage leur bon caractère. Dicton du jour, mieux vaut chèvre que vache à lait quand la bonne dame de Carmel est arrivée. Célébration internationale en Bolivie et au Chili, c'est la fête nationale, journée fériée, en l'honneur de la patronne de la Bolivie et du Chili. Notre-Dame du Mont-Carmel. En France, c'est la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, date anniversaire de la grande rafle du Vélodrome d'hiver à Paris, c'était en 1942. Et dans les événements qui se sont déroulés un 16 juillet en 1713, Louis XIV promulguait le décret qui créait officiellement le Conservatoire de danse, future école de danse de l'Opéra National de Paris. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le groupe Police et leur titre Message in a Bottle. Bottles. Le groupe Police sur RGM. Il est pile 8h37. On fait un point sur tous ceux qui sont nés un 16 juillet. 1942, naissance de Margaret Smith Court, ancienne joueuse de tennis australienne, considérée comme l'une des plus grandes joueuses de l'histoire de ce sport. Sa carrière s'est déroulée entre l'ère amateur et l'ère open à partir de 1968. Elle a fait carrière entre 59 et 77. Et à noter qu'entre 59 et 75, elle a gagné 63 titres en grand chelem, dont 24 en simple, en seulement 47 participations. Record absolu, toute époque confondue, devant Serena Williams, qui culmine tout de même à 23 victoires, c'est pas loin, et Steffi Graf, 22 victoires. Elle compte également, Margaret Court à son actif, 19 titres remportés en double dame et 20 titres en double mixte. 1952, naissance de Stewart Copeland, musicien américain, batteur du groupe The Police. C'est également l'année de naissance de Marc Esposito, réalisateur scénariste français à qui l'on doit Le Cœur des Hommes 1, 2 et 3. 1963, naissance de Phoebe Cates, actrice américaine connue pour son rôle de Kate Beringer dans Les Gremlins 1 et 2. 1964, naissance de Miguel Indurain, ancien cycliste espagnol ayant fait carrière de 1984 à 1996, seul coureur à avoir remporté 5 fois consécutivement le Tour de France, également à son actif 2 fois le Tour d'Italie, devenant le seul coureur à avoir réalisé le doublé Giro Tour 2 années d'affilée. Numéro 1 mondial de juin 92 à juin 94, il a remporté également un titre olympique et un titre mondial en contre-la-montre. Il a remporté 16 étapes sur les grands tours, 12 sur le Tour de France et 4 sur le Tour d'Italie. Et il a également remporté le Critérium du Dauphiné Libéré en 95 et 96 et Paris-Nice en 89 et 90. 1965, naissance de Michel Desjoyeaux, navigateur français avec plus de 25 victoires à son actif, dont un doublé dans le Vendée Globe 2000-2001 et 2008-2009. Il est le seul marin d'ailleurs à avoir réalisé. Eh bien, il est l'un des navigateurs en solitaire les plus titrés. 1967, naissance de Will Ferrell, acteur américain vu dans Austin Powers 1 et 2 dans le rôle de Mustapha, Zoolander 1 et 2 dans le rôle de Jacobim Mugatu, Ma sorcière bien-aimée le film dans le rôle de Jean-Pierre Stevens, Very Bad Dads 1 et 2 dans le rôle de Brad Whittaker ou encore à la télévision dans Saturday Night Live. 1968, naissance de Karine Lemarchand, présentatrice télé française qui de 2004 à 2009 a présenté Les Maternelles. Depuis 2010, elle présente l'émission à succès L'amour est dans le prix. 1971, naissance de Corey Feldman, acteur américain vu dans Vendredi 13, chapitre final dans le rôle de Tommy Jarvis, Les Gremlins dans le rôle de Pete Fontaine ou encore Les Goonies dans le rôle de Clark Devereaux alias Bagou. 1987, naissance d'Annaline McCord, actrice américaine vue à la télévision dans plusieurs séries telles que Ugly Betty, 12 épisodes de Nip Tuck dans le rôle d'Eden Lord, Beverly Hills Nouvelle Génération dans le rôle de Naomi Clark, Dallas, Lucifer, la saison 2 de Secret and Lies durant 7 épisodes dans le rôle de Melanie Warner. 1989, naissance de Gareth Bale, footballeur gallois qui de 2006 à 2007 a joué à Southampton FC, de 2007 à 2013 à Tottenham Hotspur. Depuis 2013, il joue pour le Real Madrid, club avec lequel il a d'ailleurs notamment remporté la Ligue des Champions en 2014, 2016, 2017 et 2018. 1994, naissance de Marc Hidélisato, acteur américain connu pour son rôle de Justin Suarez dans la série télé Ugly Betty. En 1896, décédé Edmond de Goncourt, écrivain français, fondateur de l'Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. Et en 82, décédé Patrick Devers, acteur français vu dans Les Valseuses dans le rôle de Pierrot, Adieu Poulet dans le rôle de Lefebvre ou encore Un mauvais fils ou bien Beau-père. Et en 2014, décédé Hervé Christiani, chanteur français connu pour le titre Il est libre Max qu'on écoute tout de suite. Facile même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais.

qui sera sur les épaules de Bernal. Mais mercredi, puisqu'aujourd'hui c'est repos pour les coureurs, repos bien mérité. Un mot de tennis avec Bastad, la qualification de Lesten face à Grigelis en 3-7, 1-6, 6-2, 6-1. Aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Carreño Busta. À Lausanne, Caroline Garcia s'est qualifiée en 2-7 face à Lautner, 6-2, 6-3. Ferro s'est qualifiée en 2-7 face à Bartel, 7-6, 6-2. Aujourd'hui, Parmentier affrontera Samsonova. Cornet sera opposé à Trevisan. À Umag, Moutet affrontera Caruso. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Tube de l'été 2009. C'était il y a 10 ans. David Guetta, Kelly Rowland et le titre, c'était When Love Takes Over. On écoute ça tout de suite. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Voilà le tube de l'été 2009, c'était David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over sur RGM. Il est presque 8h51 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 13h30. Ce sera la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 16h, la rediffusion de Memento Mori. 20h, La Parole est à vous avec Michel. 22h, J'aimais, je vous le lis avec Dominique. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée. Bonne journée à tous. Bye bye.